Bonjour à tous. Merci à tous d'être venus. On va commencer par évaluer combien de monde nous sommes. Alors pour évaluer combien nous sommes, je vous demanderai un maximum de bruit. Thank you. Thank you.